Jeanne, dans l'après-midi, monta chez la couchée. La petite bonne, veillée par la veuve Dentu, restait immobile dans son lit, les yeux ouverts, tandis que la garde berçait en ses bras l'enfant nouveau-né. Dès qu'elle aperçut sa maîtresse, Rosalie se mit à sangloter, cachant sa figure dans ses draps, toute secouée de désespoir. Jeanne la voulut embrasser, mais elle résistait, se voilant. Alors, la garde intervint, lui découvrit le visage, et elle se laissa faire, pleurant encore, mais doucement. Un maigre feu brûlait dans la cheminée. Il faisait froid. L'enfant pleurait. Jeanne n'ose point parler du petit, de crainte d'amener une autre crise. Et elle avait pris la main de sa bonne, en répétant d'un ton machinal « Ça ne sera rien, ça ne sera rien. » La pauvre fille regardait à la dérobée vers la garde, tressaillait au cri du marmot. Et un reste de chagrin l'étranglant jaillissait encore par moments en un sanglot convulsif, tandis que des larmes rentraient, faisaient un bruit d'eau dans sa gorge. Jeanne, encore une fois, l'embrassa et, tout bas, lui murmura dans l'oreille « Nous en aurons bien soin. Va, ma fille !» Puis, comme un nouvel accès de pleurs commençait, elle se sauva bien vite.